السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا ختم كتاب شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المسمى بالكلم الطيب رحمه الله تعالى. وإن في هذه الليلة سنبدأ إن شاء الله تعالى في دراسة سيرة خير خلق الله سبحانه وتعالى، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur son noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je louais à nouveau Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui par sa grâce et sa générosité nous a permis de finir l'étude du livre Al-Kalim al-Tayyib. Et ça n'est qu'auprès de lui que nous recherchons aide et assistance afin de pouvoir mettre en pratique ce qu'il nous a facilité ou ce qu'il nous a permis de lire et d'étudier. Ceci étant dit, nous allons commencer ce soir, Inch'Allah Ta'ala, et nous venons d'entrer dans le mois de Rabi' al-Thani de l'année 1438, ce qui correspond au 30 décembre de l'année 2016. Nous allons commencer avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et son assistance inshallah ta'ala, l'étude de la biographie de notre noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ta'lamuna jami'an fadl al-'ilm wa hadhihi al-majalis. Et vous savez tous la valeur et la grande place de la science en islam et de ses assises bénies dans lesquelles nous entendons قال الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة وقال العلماء. Vous connaissez tous la valeur de ces assises dans lesquelles nous entendons Allah a dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, les compagnons ont dit, les savants, les pieux prédécesseurs ont dit. Ces assises sont les meilleures assises dans ce bas monde, des assises à travers lesquelles nous espérons la grande récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala, des assises à travers lesquelles nous espérons avoir mis en pratique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Anas ibn Malik que rapporte Ibn Majah et que l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala authentifie lorsqu'il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, طلب العلم فريضة على كل مسلم. L'étude de la science est une obligation pour chaque croyant. Et Abu Hurayrah radiallahu anhu nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, الدنيا ملعونة ملعون ما فيها أو ملعون ما فيها إلا ذكر الله إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit, et les savants ont divergé sur l'authenticité de ce hadith, Et l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il est Hassan, et il a été apporté par l'imam al-Tirmidhi, ibn Majah et d'autres. Ce bas monde est maudit. Ce bas monde et ce qu'il contient sont maudits. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, explique ce hadith et nous dit, c'est-à-dire, taqillu barakatuh. C'est-à-dire qu'il y a peu de bénédictions. Il y a peu de biens. Et il y a peu de bénédictions. Sauf l'évocation d'Allah et son rappel, ce qui s'y rapporte, le savant et celui qui apprend. Le savant et celui qui apprend. Celui qui apprend sa religion renferme un grand bien en lui, et de lui, inshallah ta'ala, découlera énormément de bien. Et très nombreux sont les versets et les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent le mérite de la science, qui nous encouragent aux assises de science. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ويقول تبارك وتعالى في كتابه الحكيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول تبارك وتعالى وقل رب زدني علما كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء في كل هؤلاء في كل هذه الآيات المباركات حث على طلب العلم الشرعي. Dans tous ces versets, il y a une invitation et un encouragement à étudier la science bénéfique, celle qui est tirée du Coran et de la Sunna, celle qui est tirée des paroles des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que de ceux qui les ont suivis avec excellence. Dans son livre, Allah Azza wa Jal nous dit, sous la traduction approximative des sens du Coran, Allah témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée, excepté lui, ainsi que les anges, les savants. Nulle divinité n'est digne d'être adorée, excepté lui. Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, nous montre le mérite de la science et la valeur des savants, du fait qu'il témoigne de la parole la plus lourde, la ilaha illallah, puis fait témoigner sur cette parole les meilleurs de ses créatures les plus nobles, parmi les habitants des cieux et parmi les habitants de la terre. Quant aux habitants des cieux, ce sont les anges. Quant aux habitants de la terre, ce sont les savants. Et à leur tête, comme nous le dit Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, il y a les savants. Allah nous dit également, toujours sous la traduction approximative des sens du Coran, les seuls à véritablement craindre Allah sont les savants. Les seuls à véritablement craindre Allah sont les savants. Les savants du Coran et de la Sunna. Les savants de ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit également, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Les seuls à se souvenir sont les gens doués d'intelligence. Et dans un autre verset, dans Sourate Taha, est dit, ô mon Seigneur, accrois, ô mon Seigneur, augmente ma science. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de demander à Allah azza wa jal l'augmentation de sa science, que dire de nous? Que dire de nous qui sont, ou bien qui sommes très éloignés de la valeur du prophète alayhi salatu wassalam et de son haut rang dans la science? Dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, saya'tikum aqwamun yatlubuna al-ilm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, vous viendra des gens à une époque ou dans le futur, viendra vers vous des gens yatlubun al-ilm. Ils viendront à la recherche de la science. Ils viendront à la recherche de la science. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Vous viendront des gens qui rechercheront la science. Lorsque vous les verrez, souhaitez-leur la bienvenue et dites-leur marhaban, marhaban, bi wasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. bienvenue à la recommandation ou bien au successeur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith nous montre la valeur de nous déplacer dans ces assises et de rechercher la science. Il est rapporté par Ibn Majah, l'imam al-Albani nous dit qu'il est hassan, et très nombreux sont les hadiths dans ce sens que vous connaissez, comme le hadith de Muawiyah radiyallahu anhu apporté par l'imam al-Bukhari, dans lequel il nous dit man yuridillah, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit man yuridillah bihi khayran yufaqihu fid din, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion, il l'instruit, il lui fait comprendre sa religion. Et la science, c'est ce qui t'est utile de ton vivant et même après ta mort, car le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمٍ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ. Lorsque le fils de Adam décède, toutes ses actions s'arrêtent, à l'exception de trois choses: une aumône qui perdure, une science dont nous tirons profit, et un enfant pieux qui invoque en sa faveur. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim selon Abu Huraira. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Le hadith de Uthman radiyallahu anhu. Dans un autre texte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait en faveur de ceux à qui il voulait le bien, il invoquait en leur faveur l'augmentation de leur science. Comme lorsque Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu m'a lui apporté son wado, il a dit: qui est-ce qui a apporté cela? Qui est-ce qui a déposé cela? Le prophète Maymouna, si mes souvenirs sont bons, radiyallahu anha, a dit à Abdullah ibn Abbas. Elle a dit que c'est Abdullah ibn Abbas qui a déposé cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur en disant: Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fi ddin. Ô Allah, enseigne-lui la compréhension du Coran, l'exégèse du Coran, et instruis-le dans ta religion. Tous ces textes nous montrent l'importance et la grande valeur de la science en islam. On demande donc à Allah tabaraka wa ta'ala de faire en sorte que nos assises soient bénies et qu'il nous permette toujours d'augmenter nos connaissances afin de l'adorer avec clairvoyance. Wa ba'du, fa inna mawdu'ana kama 'alimtum wa sami'tum huwa dira huwa siratu Rasulina al-Karim alayhi salatu wa salam. Ceci étant dit, notre sujet, comme vous l'avez su et entendu, est l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on intitulera sur les pas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce soir, nous allons prendre une introduction, et inshallah ta'ala, à partir de la semaine prochaine, on entrera dans le vif du sujet. فنتحدث هذه الليلة عن الذي أرسل الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Nous allons donc parler ce soir, ces semaines, ces mois, inshallah ta'ala, de celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé avec la guidée, avec la voix véridique, afin de l'élever. عن الذي جعله الله شاهدا. Nous allons parler de celui qu'Allah Azza wa Jal a fait un témoin, wa mubashiran wa nadira, un annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur, wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Nous parlons de celui qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a envoyé en tant que prédicateur et lanterne pour éclairer nos chemins. عن الذي جعله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. Nous allons parler de celui qu'Allah Azza wa Jal a fait ou a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. وَأُسْوَةً حَسَنَةً. Et celui dont Allah Azza wa Jalla a fait un exemple parfait, لِمَنْ كَانَ أَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ, pour celui qui espère en Allah et le jour dernier, صلى الله عليه وسلم. وَإِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبِنَا وَرَسُولِنَا وَالْمُقَدَّمِ عِنْدَنَا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه القلب قبل اللسان. Et certes, ce sujet, le fait de parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sa vie avant sa naissance, lors de sa naissance, son enfance, son adolescence, et ce, jusqu'à son dernier souffle, c'est un sujet très sensible. C'est un sujet pour lequel le cœur parle et s'exprime avant même la langue. Comment cela pourrait-il être autrement alors que nous parlons de celui par lequel Allah tabaraka wa ta'ala a fait sortir les gens des ténèbres vers la lumière, du polythéisme vers le monothéisme, de l'égarement vers la guidée, de l'ignorance vers la science. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله سبحانه وتعالى nous dit dans le Coran, vous est venu un messager issu d'entre vous. Les difficultés que vous subissez lui pèsent lourd. Il est motivé, c'est-à-dire dans votre guidée, tout le bien. Et il est envers les croyants miséricordieux. Il est compatissant et miséricordieux. فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. Par lui, Allah تبارك وتعالى a redonné la vue aux aveugles, à ceux qui ne voyaient pas avec clairvoyance la vérité. Il a redonné l'écoute et l'ouïe à ceux qui étaient sourds devant la vérité. Et a ouvert les cœurs de ceux qui avaient les cœurs scellés par le polythéisme. Hadallahu bihi min ad-dalalah. Par lui, Allah tabaraka wa ta'ala a guidé et a fait sortir de l'égarement. Wa jama'a Allahu bihi min ba'di furqah. Allah azza wa jalla uni par lui après la division. Wa a'azza bihi min ba'di dhillah. Il a redonné la suprématie aux gens après qu'il fut humilié. فَحُقَّ لَهُ. Il lui revient donc de droit, et il a sur nous comme grand droit sallallahu alayhi wa sallam أَن نَدْرُسَ سِيرَتَهُ الْعَطِرَةُ. Il a sur nous comme droit que nous étudions sa biographie, sa noble biographie. وَأَن نُحِبَّهُ أَكْثَرَ مِنْ أَوْلَادِنَا وَآبَائِنَا بَلْ مِنْ أَنْفُسِنَا. Et il a sur droit comme nous qu'on l'aime plus que nos parents, plus que nos enfants, plus que nos propres personnes, sallallahu alayhi wa sallam. Wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala laqad manna Allah 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah vous a certes donné ou fait une grande grâce lorsqu'il envoya parmi vous un messager issu d'entre vous. Il vous récite ses versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, alors qu'auparavant vous étiez dans un égarement évident. Voici celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi pour parachever sa religion. Voici celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala a élu pour être le dernier prophète et messager. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, comme le rapporte l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, nous dit qu'il a juré, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était celui qu'il aimait le plus en dehors de sa propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « La ya Omar, hatta akuna habba ilayk min nafsik. » Il lui a dit, « Non, Omar, ceci n'est pas complet ceci n'est pas convenable tant que tu ne m'aimeras pas plus que ta propre personne. Alors Omar radiallahu anhu lui a dit que maintenant, désormais, il l'aime encore plus que lui-même. Encore plus que lui-même. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, l'an ya Omar. Maintenant, oui, ô Omar, maintenant, tu as complété la foi. Naam, le prophète alayhi salatu wassalam doit être plus aimé chez nous, naam, que nos propres enfants, que nos propres parents, que l'ensemble des gens et que nos propres personnes. Alayhi salatu wassalam. Comment cela pourrait-il être autrement alors qu'il nous dit, comme l'a rapporté Omar ibn Khattab radiallahu anhu, et l'imam al-Albani nous dit que ce hadith est authentique. Ana mumsikun bihujazikum anil nar wa taghlibun wa tuqahimun aw taqahamun. Le prophète alayhi salatu wassalam nous donne une parabole. Il nous dit, comme dans une autre version, que son exemple et le nôtre est tel un homme qui a allumé un feu. Et il voit les moucherons et les sauterelles ou ce genre de bêtes s'approcher de ce feu. Et l'homme qui a allumé ce feu fait ce geste-là pour repousser les mouches, pour pas qu'ils ne brûlent dans le feu. Mais les mouches continuent et tombent et se brûlent. Le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'il est comme ça avec nous. Naam, il nous empêche, il fait toutes les causes pour pas qu'on tombe dans ce feu. Il nous retient, mais il s'en faut de peu pour qu'il nous lâche et qu'on tombe dans ce feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc fait toutes les causes pour nous éviter le châtiment d'Allah azza wa jal et a fait toutes les causes pour qu'on entre dans son paradis. Mon exemple est celui de ma communauté et celui d'un homme qui a allumé un feu. Lorsqu'il éclaira ce qui était autour de lui, les papillons et les insectes se mirent à tomber dans le feu. Il se mit à les empêcher, mais malgré cela, ils tombaient dans le feu et brûlaient. Ceci est mon exemple et le vôtre. Je veux vous protéger de l'enfer en disant, éloignez-vous du feu, éloignez-vous du feu, mais vous m'échappez et vous tombez dans le feu. Ce hadith, cette version est rapportée par l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala. وقد ود النبي صلى الله عليه وسلم لقاءنا. Et un hadith très étonnant et très émouvant. Le prophète صلى الله عليه وسلم, sachez qu'il voulait vous voir, vous. Il voulait vous voir, vous. Il a dit dans un hadith, وددت أني لقيت إخواني. J'aurais tant aimé rencontrer mes frères. فقال الصحابة يا رسول الله ألسنا إخوانك. Alors les compagnons lui ont dit, ô messager d'Allah, ne sommes-nous pas tes frères? قال لا. قال نعم أنتم أصحابي. Il leur a dit, non, vous êtes mes compagnons. Vous êtes mes compagnons. ولكن إخواني الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي. Il a dit, quant à mes frères, ce sont ceux qui ont cru en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu. Allahu Akbar. Des gens viendront après lui et ils vont croire en lui et ils vont suivre sa religion alors qu'ils ne l'ont jamais vu. Mais ils espèrent le voir يوم القيامة. Ils espèrent avoir suivi ses traces dans ce bas monde pour pouvoir les suivre yawm al-qiyama et se retrouver derrière lui lorsqu'il frappera à la porte du paradis et lorsqu'ils pourront entrer derrière lui après les prophètes et les messagers puis les pauvres. فَنَحْنُ بِسَدَدِ دِرَاسَةِ سِيرَةِ نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا وَالْمُقَدَّمِ عِنْدَنَا سِيرَتِهِ الْعَطِرَةِ من قبل أن يولد إلى آخر أنفاسه عليه الصلاة والسلام طالبا العون من الله سبحانه وتعالى رب العالمين. Nous allons donc étudier la biographie de notre prophète, notre bien-aimé, celui qui prévaut auprès de nous, devant toute autre créature, sa biographie qui est la biographie la plus noble, du moment, ou plutôt avant même sa naissance, jusqu'à son dernier souffle. Et on demande l'aide et l'assistance à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette œuvre. ولكن قبل ذلك أحب أن أمهد بتمهيد لعل الله أن يوفقنا للثبات والاستمرار في هذه الحلقة. Mais avant cela, une introduction en espérant que par celle-ci Allah Azza wa Jal nous raffermisse et nous accorde l'endurance nécessaire pour étudier continuellement sa biographie, car ceci nécessite un certain temps et certains mois. Même si le simple fait de savoir ce qu'il a fait pour nous, en réalité, est suffisant. Siratu a'zamu siyar, sa biographie est la biographie la plus sublime qui soit. Il n'y a pas un homme ni une femme qui a pu atteindre ce qu'a atteint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit en matière d'adoration, que ce soit en matière de comportement, que ce soit en matière d'endurance, que ce soit en matière de sacrifice, que ce soit en tant qu'homme, en tant que père, en tant qu'époux, en tant que neveu, en tant que messager, en tant que prédicateur, dans toutes les parties composantes de sa vie, il a atteint l'excellence, sallallahu alayhi wa sallam. Wa a'lamu khalqillahi billah, wa atqakum lah, wa akmaluhum tahqiqan li'ubudiyyati. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui est la créature la plus savante de son Seigneur et Créateur. C'est celui qui a le mieux complété, concrétisé le monothéisme pur et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fadirasatuhu ridaun lilquloub. L'étude de sa biographie est donc le délice des cœurs, le délice des croyants, c'est une nourriture pour les cœurs. Sa'adatun wa ladha wa qurratu 'ayn. C'est un délice d'étudier et d'écouter sa biographie. C'est un bonheur total. Et l'étude de sa biographie en réalité n'est autre que l'étude de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fi dirasati siratihi al-'atira durusun wa 'ibar fawa'id kathira. Et dans l'étude de sa biographie, il y a de nombreuses leçons à tirer. Et il y a de nombreux bienfaits et mérites. Et je vais vous citer ici certains de ces bienfaits. Et pour plus de détails, vous pouvez revenir à l'introduction de l'explication du livre d'Ibn Kathir al-Fusul, faite par Al-Shir Abdurrazzaq al-Badr Hafidahullahu Ta'ala. Et également dans l'introduction de l'explication du livre de l'imam al-Tirmidhi, al-Shama'il, rahimahumullah. Qala al-Shaykh, min hadhihi al-fawa'id, anna nabiyyana sallallahu alayhi wa sallam, uswatun lil'alamin, wa qudwatun lahum. Donc premièrement, dans notre cours, notez ici quelques mérites de l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Grand 1, quelques mérites de l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pour l'ensemble des mondes. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pour l'ensemble des mondes. في العقيدة والعبادة والأخلاق que ce soit dans la croyance, que ce soit dans l'adoration, ou que ce soit dans les comportements. كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Dans sourate Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction des sens du Coran, vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. Le grand savant Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit, pour commenter ce verset, هذه الآية أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit, ce verset est une base quant à l'obligation de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple dans toute chose. Ce verset est une base quant à l'obligation de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple dans toute chose. Comme exemple dans toute chose. Et dans sourate Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, c'est-à-dire dis au messager d'Allah, si vous aimez Allah, suivez-moi, suivez le prophète, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Thanian, le deuxième point, parmi les mérites de l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, siratun nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa hadyuhu al-qawim, yu'addu mizanan, tuzanu fi dhaw'ihi al-a'mala. Wa fi hadha al-ma'na, yaqulu Sufyan ibn Uyaynah rahimahullahu ta'ala, كما روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الجامع للأخلاق الراوي وآداب السامع. Le deuxième point, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa voie et son chemin emprunté est considéré comme étant la balance sur laquelle nous pesons les actions des gens. C'est-à-dire, pour savoir si une chose est bonne ou mauvaise, on devra se référer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa sunna, à sa tradition, à sa biographie sallallahu alayhi wa sallam. Voici le deuxième mérite de l'étude de sa biographie. C'est ce par quoi nous pesons les actions des gens afin de savoir si ce qu'ils font est bon ou est mauvais. Sufyan ibn Uyaynah, rahimahullah ta'ala, qui est un des grands pieux prédécesseurs, il est à l'époque de Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, et il dit de son frère en islam et d'un autre savant comme lui, et je vous cite cela pour que vous sachiez comment sont les savants de Ahl Sunnah entre eux et comment doivent être les du'as de Ahl Sunnah entre eux. Sufyan ibn Uyaynah dit de Sufyan al-Thawri, qui est un autre savant de son époque, La a'lamu tahta adimi sama afqah min Sufyan. Sufyan ibn Uyaynah dit, je ne connais pas une personne sous ses cieux ou sous ce ciel plus savant que Sufyan al-Thawri. Plus savant que Sufyan al-Thawri. Rahimahumullah. Il nous dit, comme a rapporté Al-Khatib al-Baghdadi, Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam huwa al-mizan al-akbar. Sufyan ibn Uyaynah nous dit, certes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est la plus grande balance, est la plus grande balance, fa'alayhi tu'aradu al-ashya. C'est à lui qu'on fait revenir les choses. Ala khuluqihi wa sirati wa hadihi fi ma wafaqaha fa ma wafaqaha fa huwa al-haq wa ma khalafahu fa huwa al-batil. Il nous dit, Sufyan ibn Uyaynah rahimahullah ta'ala nous dit, ce qui est en conformité ou plutôt c'est à lui qu'on fait revenir les choses. Son comportement, sa voix, sa biographie, ce qui est en conformité, ce qui est en conformité est la vérité. Ce qui est en conformité avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vérité. Et ce qui contredit sa voix, c'est le faux. On ne regarde pas les gens pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. On pèse leurs paroles, leurs croyances, leurs actions sur cette balance, sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a dit, qui a cru, qui a fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous disons qu'il est sur la vérité. Celui qui a contredit, a fait scission de sa voix et de sa biographie, nous disons qu'il est dans le faux. Et on traduit Adi Moussama par la voûte céleste. Je ne connais pas sous la voûte céleste de personne plus savante que Sofiane al-Thawri, rahimahullahu ta'ala. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, a une parole semblable dans Zadu al-Ma'ad. Vous pouvez revenir au livre al-Shama'il, et dans le Sharh de Sharh al-Razzaq, il a cité cette parole. Le troisième point, hafidhakumullahu ta'ala, min wajibati ahli al-iman, al-iman bih. ولا يكون ذلك إلا بمعرفته. Le troisième point est que parmi les obligations qui nous incombent à tous, nous les gens de la foi, il y a le fait de croire en lui, sallallahu alayhi wa sallam. Croire au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie des plus grandes obligations, n'est-ce pas? فكلما زادت المعرفة به ازداد الإيمان به. Plus tu connais, ou plus la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de toi est grande, plus ta foi en lui sera forte. Plus ta foi en lui sera forte. Et plus ton suivi de sa voix sera méticuleux. Et celui qui connaît la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et connaît sa voix ne pourra avoir le moindre doute quant à la véracité de son message, quant à la véracité de sa prophétie. Et c'est pour cela que très souvent dans le Coran, on nous parle de sa biographie comme on le verra, insha'allahu ta'ala. Le quatrième point, parmi les mérites de l'étude et parmi les fruits que l'on tire de l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a mahabbatuhu, taqwiyatu mahabbatihi alayhi salatu wa salam, l'amour que l'on porte au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait d'augmenter cet amour. Plus tu étudies sa biographie, plus tu entends parler de lui, plus tu parles de lui alayhi salatu wa salam, plus tu l'aimeras. وَمَحَبَّتُهُ مِنَ الْفَرَائِدِ مِنْ أَكَدِ الْوَاجِبَاتِ. Et aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des choses les plus obligatoires en islam. Plus encore, comme nous l'avons cité dans le hadith d'Omar ibn Khattab dans le recueil de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim, nous devons l'aimer plus que nos propres personnes. Et plus tu connais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu l'aimeras. Plus tu l'aimeras, plus tu le respecteras, plus tu auras envie de le suivre. Plus tu auras envie de le suivre. Khamisan, le cinquième point. Siratul atira tu'addu manhaj hayatin li kulli muslimin. Étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est en réalité le chemin que doit emprunter chaque musulman. C'est une éducation dans la vie. C'est un mode de vie. La biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour qui? Li kulli muslimin yarju li nafsi al-khayra. Pour chaque croyant, chaque musulman, qui espère pour sa propre personne le bien et qui espère l'élever. Et c'est ce qu'on voit en réalité. Celui qui connaît le prophète alayhi wassalam et le suit, Allah l'élève dans ce bas monde et l'élèvera dans l'au-delà. Quant à celui qui ignore son prophète alayhi wassalam, s'éloigne de sa voie et fait scission avec ses manières et de son mode de vie, na'am, tu vois qu'il s'égare et qu'il perd ce bas monde. Il vit dans ce bas monde sans savoir pourquoi est-ce qu'il a été créé, ni même où il doit se diriger. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sadisan, le sixième point. Sababul imani bih. Aw taqwiyatihi. Le sixième point est de dire que la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'étude de sa biographie est une cause pour croire en lui et en sa prophétie. Pour qui est-ce que nous disons cela? Pour ceux qui n'ont pas encore cru en lui. Quant à ceux qui sont déjà croyants, c'est une cause pour renforcer cette croyance. C'est une cause pour renforcer cette croyance. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran, dans Surat al-Mu'minun, أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ. N'ont-ils pas connu leur messager? C'est pour ça qu'ils le rejettent. Naam. Celui qui connaît le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a auprès de lui une des plus grandes causes pour avoir foi en lui, pour reconnaître comme étant véridique son message et sa prophétie, et ce avec quoi il nous est venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي زمانه يأتي الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه بسبب الدعايات الكاذبة والإشاعات الآثمة فما أن رأى أخلاقه وشمائله ورفقه واطلع على سيرته إلا وقد تحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحد أحب إليه منه. سبحان الله. Subhanallah, à son époque, tu trouvais une personne qui marchait sur la terre d'Allah. Et il n'y avait pas une personne sur la terre d'Allah qu'il détestait plus que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'entre eux parmi les sahaba dit, il marche sur cette terre et il n'y a pas une personne qu'il déteste plus que le messager. Naam. Puis, il le voit, il le fréquente. Et Allah Azza wa Jal bouleverse son cœur, soigne et réforme son cœur. Et voilà qu'il nous dit qu'il n'y a pas une personne sur la terre d'Allah qu'il aime plus que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Sunnatullah fi khalqi. C'est que les gens du faux de tout temps et de toute époque tentent à dénaturer la réalité des faits, tentent de salir la noblesse des gens du vrai, des prêcheurs au vrai, des gens du tawhid et de la sunnah, de tout temps et toute époque. Ils ont dit de Nuh alayhi salam qu'ils proféraient des mensonges. Ils ont dit des prophètes qu'ils étaient majnoun, qu'ils avaient perdu la raison, qu'ils étaient ensorcelés. Ils ont dit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a des terres en libre. Ils ont dit qu'il y a une personne qui lui enseigne en réalité. Ils ont dit que c'était un menteur, qu'il était ensorcelé. Et ils ont dit, et ils ont dit. Donc, suite à ces rumeurs et ces faussetés qui étaient colportées, certaines personnes étaient touchées. Certaines personnes pensaient donc du mal et ne vérifiez pas les informations. Alors ils se sont mis à détester le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après l'avoir vu, après avoir entendu ses douces paroles, après avoir vu son noble comportement, après avoir su quelle était sa voix et son message, en d'autres termes, après avoir eu connaissance de sa biographie, Allah Azza wa Jal a pansé leur plaie, soigné leur cœur et a bouleversé leur vie. Et la personne qu'ils se sont mis à aimer par-dessus toutes les créatures, na'am, au final était qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu vois ici qu'avec la connaissance de sa biographie, les gens sont entrés en islam. Les gens sont entrés en islam. Et nous avons, il y a quelques semaines, lu l'histoire de Dimad, radiallahu anhu, lorsqu'il est venu à Mecca ou à Medina, et qu'il a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ensorcelé. Alors il a dit, j'espère rencontrer cet homme, afin de lui faire ruqya, car Allah a guéri plusieurs personnes par ma cause. Et lorsqu'il l'a trouvé, il lui a dit, oh Muhammad, je sais guérir de cette maladie. Si tu veux, je te fais ruqya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, inna alhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ila akhir alhadith. Faqala Dhimad, a'idhunna alayhi. Lorsque Dhimad a entendu cela, il lui a dit, répète cela, une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois. Il lui a dit, j'ai entendu les paroles des sorciers, les paroles des devins, les paroles des poètes. Et wallahi, ce que tu as lu n'entre pas dans ces catégories. Donne-moi ta main afin que je embrasse l'islam. Allahu Akbar. Une parole. Une parole. Et il entre en islam. Puis le prophète alayhi wasallam a dit, tu me prêtes allégeance pour toi ou pour toi et tout ton peuple? Il lui a dit, pour moi et pour tout mon peuple. Pour moi et pour tout mon peuple. Lorsqu'il a connu le prophète alayhi wasallam, lorsqu'il a entendu de lui sallallahu alayhi wa sallam, il a cru en lui, il l'a suivi. Et ça a été une bénédiction pour sa personne et pour tout son peuple. Comme au jour d'aujourd'hui. Comme au jour d'aujourd'hui, lorsque les gens entendent parler de Ahlus Sunnah, ou ils entendent Al-Wahhabiyya, ou ils entendent ces appellations, et on leur dit, c'est un cinquième madhab, on leur dit, c'est des extrémistes, et on leur dit. Et lorsqu'ils prennent la biographie de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ou d'autres, Ibn Taymiyyah et d'autres, et lorsqu'ils prennent Kitab al-Tawhid, et les livres de Ahlus Sunnah, ils disent, Subhanallah, il y a dans ces livres, qu'à Allah, il y a dans ces livres, qu'à Rasulullah, il y a dans ses livres, qu'à la sahaba, on nous a trompés, on nous a trahis, et ils adhèrent. Ils adhèrent au message du vrai islam. Ils adhèrent au message de la sunnah. Et comment pourraient-ils être reprochables? Parce qu'ils ont dit notre Seigneur est Allah. Parce qu'ils ont dit on adore que Allah sans rien lui associer. Parce qu'ils ont dit là, il est Allah, ils ont compris cette parole, ils l'ont mise en pratique. Quel est leur péché dans cela? Pourquoi est-ce que vous les blâmez? Fala hawla wa la quwwata illa billah. Le fait de connaître la sira du prophète alayhi wa sallam te guidera sans aucun doute bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala vers ce qu'il y a de meilleur. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fasa'alahu. Un homme est venu voir le prophète alayhi wa sallam et lui a demandé. Il lui a demandé de l'argent, des biens. فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ. Le prophète, alayhi sallam, lui a donné des bêtes entre deux, yani les bêtes d'une vallée. Les bêtes d'une vallée, l'équivalent, yani l'espace qu'il y a entre deux montagnes. فَأَتَ قَوْمَهُ فَقَالَ. Cet homme est reparti dans son peuple. Et a dit aux gens de son peuple, يَا قَوْمُ أَسْلِمُ. Il est reparti à son peuple et a dit, oh mon peuple, convertissez-vous à l'islam. Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'a ar-rajul la yakhafu al-faqr aw al-faqa. Car certes Muhammad dépense tel un homme qui ne craint pas la misère ou la difficulté. Wa in kana ar-rajul la yaji'u. Et il y avait par moment des hommes qui venait ilayhi auprès de lui, ma yuridu illa dunya, ne recherchant par cela que ce bas monde, fama yumsi hatta yakuna niyatuhu aw dinuhu ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma fiha. Allahu akbar. Dans ce hadith, Anas ibn Malik nous dit, et il arrivait qu'un homme se rende auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il ne recherchait à travers cela que ce bas monde, que ce que donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et il n'arrivait pas au soir sans que la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit la chose qu'il aime le plus dans ce bas-monde. Subhanallah. Il venait pour la dunya. Naam. Le soir arrivé, l'ikhlas transcendait son cœur. La sincérité et l'amour véritable de cette religion s'emparaient de son cœur. Et le délice de la foi coulait dans ses veines. Comment cela? Avec la connaissance du prophète alayhi salat wa salam, après la guidée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sabi'an, septièmement, fi dirasati sirati sallallahu alayhi wa sallam aounun ala fahmi al-din, ala fahmi al-Qur'an, على فهم كتاب الله عز وجل لأن حياته كلها تطبيق للقرآن وعمل به. Septièmement, dans l'étude de la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une aide pour comprendre le livre d'Allah. En étudiant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela t'aidera à comprendre le Qur'an. Pourquoi cela? Car sa vie en réalité, sa vie tout entière n'est autre que la mise en pratique du Coran. N'est autre que la mise en pratique du Coran. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه هو القرآن. Lorsque Aïcha radiallahu anha a été questionnée sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté l'imam muslim, elle a répondu, son comportement était le Qur'an. Son comportement était le Qur'an. Et une parole qui est répandue au sein de la masse, c'est de dire, c'était un Qur'an qui marchait. وأنكر هذه العبارة العلماء. Et les savants ont blâmé cette parole. نعم. كان خلقه القرآن. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Qur'an. Et Allah nous dit dans le Qur'an, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Allah nous dit dans le Qur'an, tu as certes un comportement ou une moralité imminente. Ou parfaite. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala explique le hadith précédent en nous disant معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه فحياته كلها طيب بآدابه انتهى كلامه رحمهullah ta'ala. L'imam al-Nawawi nous dit, pour expliquer que le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran, c'est-à-dire la mise en pratique du Coran et le fait de s'arrêter où ordonne le Coran de s'arrêter. Il ne dépassait pas ni ne transgressait les limites du Coran et prenait comme comportement s'éduquer avec le Coran. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Le sens de khuluq dans ce verset, c'est ad-din, c'est la religion. Donc, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était que aqida, bonne croyance, et la mise en pratique et la mise en évidence des effets de cette bonne croyance. Adoration, bon comportement, prédication, endurance, sacrifice, et ainsi de suite. Ça, c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu étudies sa vie, tu vas comprendre le Coran, car c'est celui qui a mis en pratique de la meilleure manière le Coran. Non. D'autres points cités par Cheikh Abdurrazak Hafidahullah Ta'ala, dirasatu siratihi babun azim mubarakun min abwab as-sa'ada. Il nous dit Hafidahullah Ta'ala que l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un grand chapitre béni parmi les chapitres du bonheur. Naam. Où c'est une porte. Plutôt, c'est une porte immense et bénie parmi les portes du bonheur. Parmi les portes du bonheur et de la réussite. بل إن السعادة متوقفة على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Plus encore, la connaissance de sa biographie, ou plutôt le bonheur, est rattaché totalement à sa biographie et au suivi de sa voie, à sa connaissance et au suivi de sa voie صلى الله عليه وسلم. فلا سعادة إلا بلزوم وسلوك نهجه وهديه. Nulle personne ne pourra aspirer au bonheur, ni même l'atteindre, si ce n'est en suivant la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir connu sa biographie. قال ابن القيم رحمه الله تعالى محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هذه خير العباد. ابن القيم رحمه الله تعالى محمد ابن أبي بكر connu sous le surnom de ابن قيم الجوزية nous dit dans son livre زاد المعاد في هذه خير العباد ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به. وطاعته فيما أمر. فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل. إلى أن قال رحمه الله وإذا كانت السعادة في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به من ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مقل ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ce grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: à partir de cela, tu as connaissance de la grande nécessité qu'il y a auprès de chaque personne, de chaque serviteur, le besoin indispensable qu'il y a auprès de chaque serviteur, au-dessus de tout besoin devant la connaissance du messager. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans un passage, parle de la nécessité de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il nous dit: à partir de là, tu sais désormais le besoin indéniable qui se trouve auprès de chaque serviteur et la grande nécessité quant à connaître le messager sallallahu alayhi wa sallam, ce avec quoi il nous est venu, certifier tout ce dont il nous a informé, lui obéir dans tout ce qu'il nous a ordonné. Et certes, il n'y a pas de chemin qui mène au bonheur et à la félicité, que ce soit dans ce bas monde ou l'au-delà, si ce n'est le chemin sur lequel étaient les messagers, si ce n'est en se référant aux messagers, messagers au pluriel. Plus loin, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: et si le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà, si le bonheur dans les deux mondes est rattaché est rattaché à la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam, il est donc obligatoire à toute personne qui veut le bien pour sa personne, pour elle-même, et qui aime, ou bien qui aimerait sauver son âme et obtenir le bonheur et la réussite, tous ceux qui veulent cela se doivent de connaître la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa biographie, afin de sortir du nombre de ceux qui sont ignorants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir entrer. Donc tu sors du nombre des ignorants de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir entrer et se joindre au nombre de ses suiveurs, de son groupe et de son parti sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce chapitre, les gens sont entre ceux qui ont pris beaucoup de cela et ceux qui ont pris peu de cela, ou carrément ceux qui n'ont aucune part dans cela, c'est-à-dire la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa voix. Certains le connaissent beaucoup, Allah leur a accordé une grande part. D'autres le connaissent un peu, on leur a donné une petite part. Et d'autres sont carrément ignorants du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa biographie. Et très important, la fin de la parole de ce grand imam, rahimahullahu ta'ala, wal fadlu biyadillah. Et le bien, la grâce, se trouve dans la main d'Allah. يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَى. Allah l'accorde à qui il veut. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Rahimahullah. تَاسِعًا نَوْيَمًا تَعْلِيمٌ لِدُعَاتِ إِلَى اللَّهِ لِدُعَاتِ إِلَى اللَّهِ. En étudiant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des leçons et il y a un enseignement pour chaque prédicateur. Chaque personne qui veut appeler Allah subhanahu wa ta'ala se doit d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est ainsi qu'il va savoir comment faire da'wah, comment prêcher, comment inviter les gens à l'islam. الدعاة الموفقون هم أعلم الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. Les prédicateurs à qui Allah Azza wa Jal, ou bien auxquels Allah Azza wa Jal a accordé la réussite, sont ceux qui connaissent le mieux la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans son livre, dans Suratu, à la fin de Suratu Yusuf, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Le prophète alayhi salatu wassalam, parmi ses qualités et ses caractéristiques les plus propres, annahu kana da'iyan ila Allah, c'est que c'était un prêcheur, c'était un prédicateur qui appelait à Allah. Donc celui qui veut appeler à Allah doit connaître la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre comment faire da'wah, pour apprendre comment prêcher et comment inviter les gens à la vérité. Allah nous dit vers la fin de surat Yusuf, selon la traduction essence du Coran, dit « Voici ma voix », c'est-à-dire dit au messager d'Allah « Voici ma voix, j'appelle à Allah avec clairvoyance, avec science, moi ainsi que ceux qui me suivent, moi ainsi que ceux qui me suivent, exempté soit Allah de tout défaut, je ne suis point du nombre des associateurs. » Celui qui veut appeler Allah, celui qui veut appeler Allah, celui qui veut faire ce qui plaît à Allah, comme il plaît à Allah, il doit étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car aucune action en islam à travers laquelle tu souhaites te rapprocher d'Allah ne sera bonne ni acceptée chez Allah tant qu'elle ne sera pas en conformité avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Dans surat al-Hashr, Allah nous dit, sur la traduction des sens du Coran, ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le. Ou plutôt, ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Il nous dit également, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. C'est lui qui a créé la nuit et le jour pour nous éprouver, voir lequel d'entre nous va le mieux œuvrer. Le mieux œuvrer, c'est-à-dire le plus sincèrement pour Allah et le plus en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comme dans le hadith de Aïcha, dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fahuwa radd. » Celui qui amène une nouveauté dans notre ordre, c'est-à-dire dans notre religion, alors qu'elle n'en fait pas partie, son action sera rejetée. Son action sera rejetée. Donc, tu dois absolument connaître la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour faire da'wah, tu vas savoir par quoi est-ce qu'il a commencé. Ya qawm, qulu la ilaha illallah tuflih. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay. Annama ilahukum ilahun wahid. Tu vas savoir que ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé en premier, en dernier, c'est at-tawhid. C'est التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire n'adorez qu'Allah et éloignez-vous de ceux qui adorent en dehors de lui. En étudiant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas savoir comment faire da'wah et quel est le comportement adéquat pour faire da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans surat An-Nahl, si mes souvenirs sont bons, Udu'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle, invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Avec sagesse et bonne exhortation. En étudiant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu connaîtras ses nobles comportements et caractères. Tu verras de sa douceur, tu verras de sa sagesse, de sa force, de son endurance, et tu pourras ainsi, par la suite, t'emparer lors de la prédication. Quant à ceux qui n'ont pas connaissance de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois que même si la bonne opinion qu'on peut avoir d'eux est qu'ils veulent le bien et inviter les gens au bien, non, il y a énormément de fautes dans leur méthodologie. Certains pensent qu'il faut être toujours qu'il ne faut jamais utiliser par exemple la sévérité et voient en cela une faiblesse. D'autres sont à l'autre extrême. Non, d'autres sont à l'autre extrême. Certains utilisent que la sévérité, d'autres délaissent totalement la sévérité, même lorsque c'est la sagesse. Certains enseigne at-tawhid de manière académique et délaisse l'enseignement, par exemple, des effets du tawhid. Naam, des effets du tawhid. Ou l'enseignement de la purification et de la salat et de la sira. Naam, et de ce dont nous avons besoin au quotidien, même s'il ne fait aucun doute que at-tawhid c'est la base et qu'il faut appeler au tawhid et qu'il faut appeler au tawhid de manière détaillée. Et ça, c'est un autre point. Certaines personnes peuvent penser qu'elles ont prêché au tawhid, elles ont invité au tawhid, parce qu'une fois ou deux fois, elles ont appelé au tawhid. De manière générale, non. Da'watul rusul, c'est appeler au tawhid de manière détaillée. De manière détaillée. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous avons pu enseigner Kitab al-Tawhid entièrement. Et nous rappeler Kitab al-Tawhid entièrement. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre de le réviser toujours. Encore et toujours, et de l'enseigner à nouveau, encore et toujours. Parmi les points que tu pourras parfaire en étudiant la sira dans la prédication, c'est le fait d'être endurant lorsque tu vas rencontrer des difficultés. Quant à celui qui n'a pas étudié sira, il ne va pas comprendre. Il vient avec un beau message aux gens, et les gens le repoussent, et les gens parlent sur lui, et les gens mentent sur lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va délaisser la da'wah. Pourquoi? Comme on a vu, on a entendu. Pourquoi? Parce qu'il fait du bien aux gens, et certains lui font du mal. Alors il délaisse. Non. Tu fais pas pour eux, tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dis pas pour eux, tu dis pour Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne cherches pas la récompense, tu cherches la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même s'il te parle mal, même s'il t'insulte, toi tu es venu pour qu'il rattache son cœur à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu es venu pour le faire sortir de l'ignorance d'Allah vers la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pas pour qu'il déploie sur ton chemin et mette sur ton chemin des roses. Là, tu es venu pour rechercher l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu viens avec le message de vérité et tu prêches comme le prophète alayhi wasallam a fait et que tout le monde se détourne de toi, alors ça sera toi la vérité et eux le faux. Ça sera toi la vérité et eux le faux. Car le nombre n'est pas gage de vérité. Car le nombre n'est pas gage de vérité. Comme nous l'avons cité, inna ar-rasoula sallallahu alayhi wa sallam huwa al-mizanul akbar. Comme a dit Ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala, certes le messager d'Allah est la plus grande balance sur laquelle nous pesons les actions des gens. Après avoir cité certains mérites et certains fruits à tirer de l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ثانياً مصدر تلقي السيرة. Deuxièmement, notez les sources auxquelles nous revenons dans l'étude de la sira, dans l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut connaître la sira du prophète alayhi salatu wa sallam, vers où doit-il se diriger? Non. Celui qui veut connaître qui était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans quel livre doit-il lire? Vers qui, vers quoi doit-il revenir? Qu'est-ce qui répond à cette question? تفضل انت ما اسمك عز الدين عزك الله بالاسلام نعم جزاك الله خيرا عز الدين كما عز الدين a dit nous devons revenir vers le Coran et vers les livres de ahadith donc pour répondre à cela les savants disent المصدر الأول نوتي la première base القرآن الكريم la première base pour celui qui souhaite étudier السيرة et connaître son prophète صلى الله عليه وسلم est القرآن الكريم c'est le Coran كلام الله سبحانه وتعالى وفي القرآن قدر كبير جدا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. Et dans le Coran, il y a beaucoup de versets qui traitent de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. Dans sourate Al-Duha, on nous parle de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. Dans quel verset? Indaman. On mémorise tous surat al-Duha. Même nos enfants. Azin anta qad ajabt min qabl. Ala tatruk al-majal li ikhwanik. Naam. On nous parle du fait qu'il était Yatim. Est-ce que cela entre dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Certes. Naam. Dans quel verset on nous apprend cela? Ça, c'est un événement majeur dans la vie d'une personne. Sans aucun doute. Dans quel verset? Est-ce que le froid a congelé nos langues? Si le froid a congelé nos langues, ce sujet la fera fondre. Jazakallahu khayran. La traduction du verset. Ne t'avons-nous pas trouvé orphelin? Fa'awa comment est-ce qu'on va traduire fa'awa, nous t'avons abrité. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala en Coran, alam najiduka yatima, ne t'avons-nous pas trouvé orphelin, alors nous t'avons abrité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était yatim. Et la définition du yatim, c'est celui qui a perdu son père avant la puberté. Après la puberté, on ne dit pas de telle personne qu'elle est orpheline. Mafoum. Dans le Coran également, on nous informe de la révélation et de son état lors de la révélation et du comportement de ses détracteurs lorsqu'il est venu leur transmettre la révélation. Naam. Comme dans Surat Iqra et dans Surat Al-Baqara. Dans le Coran, on nous apprend ce à quoi il a appelé les gens. Ce qui lui a été ordonné, ce qui lui a été interdit. Et tu ne trouveras pas au monde un homme de qui les hommes ont autant parlé. Tu ne trouveras pas au monde un homme sur qui on a, de qui on a autant parlé, autant écrit, autant aimé, et autant appelé nos enfants par son nom. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On trouve dans le Coran, par exemple, qu'il était illettré, ummi. Yani, il ne savait pas lire ce qui était écrit. Ceci nous est enseigné dans le Coran. On trouve dans le Coran al-Ghazawat. On trouve dans le Coran les batailles menées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La justice qui habitait ces batailles, la noblesse qui habitait ces batailles, non pas comme les guerres sanguinaires et injustes menées de nos jours, comme on entend ici et là. On trouve dans le Coran sa manière de faire da'wah. On trouve dans le Coran al-Hijra, lorsqu'il a quitté la Mecque pour Médine. On trouve dans le Coran ses compagnons et leurs descriptions. On trouve dans le Coran son comportement avec les croyants, son comportement avec les gens du livre, son comportement avec les associateurs, même son comportement avec les munafiqin. Naam. Comment il s'est comporté et comment est-ce qu'il s'est montré endurant du début à la fin de sa vie? Voici la première base du Coran. Thaniyan, la deuxième base, Kutubu al-Ahadith, les livres de récits prophétiques, les livres de hadith. Naam, les livres de ahadith, comme Kutubu Sitta, comme les Simer, comme le Sahihayn, en commençant par le Sahihayn, ou plutôt en commençant par le Muwatta. De l'imam Malik rahimahullah ta'ala, qui est considéré comme un des premiers qui a écrit dans cela. Naam. Tu trouves dans les livres de ces grands savants beaucoup de passages consacrés à la sirah, soit par un chapitre à part, soit dans différents chapitres, il y a certains ahadiths qui traitent de la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim, dans Sunan. Naam, tu trouves cela. Troisièmement, après avoir cité le Coran et la Sunna, Kutub al-Tafsir, l'exégèse du Coran dans les livres de Tafsir. Naam, dans les livres de Tafsir, tu trouves que les savants ont largement et longuement parlé de Sirah. Quatrièmement, après avoir cité comme base de la sirah, le Coran, puis la sunnah, puis les livres de tafasir, d'exégèse du Coran, na'am. Quatrièmement, kutubu ahlil ilm, les livres des savants. Les livres des savants qui ont écrit sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les livres les plus connus, pour celui qui se demanderait, après avoir compris l'importance de l'étude de Sira et ses mérites, je veux acheter certains livres qui traitent de la Sira. Naam. Inch'Allah, la semaine prochaine, on répondra à cette question en citant ce que recommandent les savants. Mais sachez que les savants ont écrit dans Sira sous plusieurs appellations. Et tout cela, en réalité, revient à Sira. Mais pour faciliter au lecteur, et pour éclaircir certains sujets, ils ont divisé la sira en plusieurs sujets. Certains, par exemple, ont parlé de ce qu'on appelle al-shama'il. Na'am. On parlait de al-shama'il. Comment est-ce qu'on va traduire al-shama'il? On peut dire, yani, les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les différents caractères desquels il était doté. Parmi ceux qui ont écrit dans ça, par exemple, Abu Isa Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, dans ce livre connu, al-shama'il. Il y a des livres qui ont plus parlé de ce qu'on appelle al-khasa'is, les particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des choses qui lui ont été accordées à lui et pas aux autres prophètes. Quand on dit al-khasa'is, c'est à lui et pas aux autres prophètes. Et des fois, c'est à lui et pas aux autres membres de sa communauté. Donc certains ont accentué sur cela, comme As-Suyuti rahimahullah ta'ala dans certains de ses livres. Un autre sujet dans Sira, ce qu'on appelle Dala'il al-Nubuwa, les signes de la prophétie. Na'am, ce sont des signes qui viennent renforcer ou acquiescer de la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Nu'ayn ibn Abi Dunya et d'autres ont cité et écrit. D'autres savants se sont plus concentrés sur ce qu'on appelle al-Fada'il, les mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi on laissera cela inshallah ta'ala pour la semaine prochaine, la citation de certains livres et certaines références dans Sira, des livres anciens et contemporains inshallah ta'ala. Quant au cours que nous allons commencer inshallah la semaine prochaine, car ceci était une introduction, la base sera al-urjuza al-mi'iyya. Al-urjuza al-mi'iyya. Fi dhikri hali ashrafi al-bariyya. Al-urjuza al-mi'iyya. Ces 100 vers de poésie qui traitent de la biographie de la mère créature. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un livre d'Ibn Abi al-Izz Al-Hanafi, rahimahullah ta'ala, celui qui a écrit Al-Aqidatu Tahawiyya. Naam, il a écrit 100 vers, et cela comprend la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un point tel que Cheikh Abdul Razzaq, hafidhahullah, qui a fait le charh de ce poème, ces 100 vers, a lu ce poème sur son père, le grand savant de Médine, Abdel Mohsin Al-Badr, hafidahullah ta'ala. Son père et son cheikh a dit, yani il s'est étonné qu'en 100 vers, on puisse autant réunir de manière résumée toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la semaine prochaine, inshallah ta'ala, on parlera un minimum de l'auteur, de ce que comprend le livre. On commencera, inshallah ta'ala, l'étude de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. et deux points sur lesquels, ou sur, yani deux points avec lesquels j'attire la, mon attention et la vôtre, et c'est la recommandation des savants. Celui qui vient dans une assise, celui qui étudie la sirah, prendra un plaisir peut-être qu'il était loin d'imaginer. Naam, il se retrouvera dans des états dans lesquels il dira, comme disaient certains jadis, si, yani, au paradis, notre état est ainsi, alors on vivra une belle vie. Naam, mais il ne faut pas oublier deux points. Le premier point, c'est que tu étudies sirah et tu prends plaisir, certes, mais tata'abbad lillahi azza wa jal. Oublie pas que c'est une adoration de venir apprendre. Oublie pas que lorsque tu viens, tu dois faire attention à ton intention. Elle ikhlas, la sincérité. Et on voit qu'au début et qu'à l'annonce des livres et des cours, kitab al-tawhid ou sirah ou autre, on voit la mosquée remplie. Des centaines assistent aux cours. Et on doit faire attention à nos cœurs. On doit faire attention à nos cœurs. Naam, pourquoi est-ce qu'on vient? Pourquoi est-ce qu'on s'assoit? Est-ce que c'est parce qu'on a entendu un tel venir ou parce qu'un tel... Non, on vient pour Allah tabaraka wa ta'ala. On vient pour connaître celui qu'Allah azza wa jal nous a envoyé pour nous montrer le chemin qui mène à la félicité. Donc le premier point, al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. هنافع ويقيم الصلاة والزكاة وذلك دين القيم ألا لله الدين الخالص إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Tous ces textes nous ordonnent et font référence à quoi? À la pureté de la sincérité. À la pureté de la sincérité. La deuxième recommandation, c'est أن تظهر هذه الآثار في حياتنا اليومية. On va venir, on va apprendre comment vivait, qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut absolument que ces connaissances se traduisent en mise en pratique dans notre vie au quotidien. On va voir comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses proches. Il faut que ça se répercute dans notre vie. Avec ses épouses, avec ses enfants, avec son ami, avec ses meilleurs amis, avec ses compagnons, avec ceux qui étaient durs, avec le musulman, avec le non-musulman. Il faut que ça se répercute dans notre comportement et dans notre vie. En d'autres termes, on s'assoit pour connaître, pour appliquer. On s'assoit pour connaître, pour pouvoir appliquer. والله أسأل أن يوفقنا إلى كل خير وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم يا ربنا انصر إخواننا في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. والله أعلم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.